Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de la mort de l'un des plus grands patrons français, Jean-Luc Lagardère. Le 15 mars 2003, l'annonce de son décès fait l'effet d'une bombe. Et pour cause. À 75 ans, Jean-Luc Lagardère est à la tête de l'un des plus grands groupes aéronautiques et de défense au monde, EADS. Fin février 2003, il subit une opération banale à la clinique du sport. Deux semaines plus tard, il est déclaré mort à l'hôpital Lariboisière. En coulisses, les Lagardère Boys, ses plus fidèles compagnons, se déchirent pour prendre les rênes du groupe. Mais son entourage se pose aussi des questions. Jean-Luc Lagardère aurait-il été victime d'une maladie rare qu'on lui aurait inoculée et, le cas échéant, qui aurait eu intérêt à faire ça? Pour répondre à toutes ces questions, il faut retracer le parcours exceptionnel du jeune ingénieur devenu l'un des hommes les plus puissants de France. Vous entendrez dans ce récit plusieurs extraits du documentaire Jean-Luc Lagardère, Mortelle épopée, réalisé par Gilles Cayatte, écrit par Denis Robert et produit par Sylvie Randonnex. Notre invité aujourd'hui, Thierry Gadeau, journaliste et auteur du livre Jean-Luc Lagardère, corsaire de la République, de Thomson à Airbus, coécrit avec Bruno Lanceur, paru en mai 2002 aux éditions Le Cherche Midi. Thierry Gadeau a également édité Arnaud Lagardère, l'insolent, en novembre 2006 aux éditions Marenchel. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Rick. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Le 26 février 2003, Jean-Luc Lagardère intègre la clinique du sport. Il vient se faire opérer de la hanche. Ce sportif invétéré est freiné dans la pratique de ses passions, le tennis et le ski de piste. Plusieurs proches lui ont déconseillé cet établissement. La clinique du sport, en effet, a défrayé la chronique au début des années 90 pour un gros scandale sanitaire des maladies nosocomiales. Mais Jean-Luc Lagardère a confiance. Pour se prémunir d'éventuelles contaminations, la clinique pratique l'auto-transfusion. Par précaution, le célèbre patron s'est donc fait prélever son propre sang quelques semaines avant l'intervention chirurgicale. Son assistante, Patricia Chollet, explique qu'il misait sur l'avenir avec cette opération. Il avait déjà été opéré d'une hanche, la seconde le faisait souffrir, et alors il avait fait le calcul qu'il avait 75 ans et qu'il avait encore 10 belles années devant lui pour jouer au tennis et faire du ski. Donc ça valait vraiment le coup de se faire opérer, d'être indisponible pendant un mois ou deux, et après de refaire des belles parties de tennis. Bien, l'opération se déroule parfaitement et dès le lendemain, Jean-Luc Lagardère se remet doucement au travail dans sa chambre d'hôpital. Parce que pour ce grand patron, chaque minute est précieuse, même à l'hôpital. Une semaine plus tard, le vendredi 7 mars 2003, il quitte l'établissement à 11h et rejoint son domicile parisien, un hôtel particulier du 7e arrondissement dans le quartier chic des ministères et des ambassades, décor luxueux et piscine en sous-sol. Jusqu'à 19h30, il travaille sur les nombreux dossiers qu'il a à traiter. Le soir même, avec sa femme Betty, ils reçoivent pour dîner leurs voisins qui sont également des amis proches. Le couturier Emmanuel Ungaro et Marie-Laure de Villepin, l'épouse de Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères. Lors du dîner, Jean-Luc Lagardère se sent faible, fatigué. Alors il part se coucher dès la fin du repas vers 22h30. Peu avant minuit, Betty Lagardère entr'ouvre la porte de la chambre de son mari. Ça va, il dort paisiblement. Pourtant, dans la nuit, Lagardère est victime d'une attaque qui le paralyse. Il ne parvient même pas à tirer la sonnette installée juste au-dessus de son lit. Au petit matin, sa femme le retrouve complètement paralysé. Le docteur Yves Couvreur, anatomopathologiste, décrit l'état dans lequel les secours le découvrent. On le retrouve étendu en travers de son lit, tout à fait incapable de répondre, de bouger, dans un air de crispation musculaire à la fois faciale et des membres, tout à fait impressionnant. Il est transporté d'urgence à l'hôpital Lariboisière dans le service de réanimation du professeur Didier Payen. Dans les premières heures de son hospitalisation, les médecins sont désemparés, car c'est un mal inconnu qui a frappé Jean-Luc Lagardère. Ils ne peuvent que constater son coma et lui administrent des soins pour les symptômes visibles, mais aucun diagnostic n'est établi. Lundi 10 mars 2003, les médecins font passer une batterie d'examens au grand patron français. Le scanner de son cerveau fait apparaître de grosses taches noires. Jean-Luc Lagardère est victime d'un œdème cérébral massif. Mais l'origine de cette attaque reste inconnue. Une chose est certaine, le pronostic vital est engagé. À l'annonce de ses résultats, Betty Lagardère est effondrée. Elle joint en urgence son beau-fils, Arnaud. Au quartier général du groupe Lagardère, dans le très chic immeuble situé face à l'Arc de Triomphe, les collaborateurs de l'entreprise sont inquiets. Les proches, parmi les proches, ceux que l'on nomme les Lagardère Boys, envisagent le pire. La journaliste Alexandra Schwarzbrod explique à quel point cette garde rapprochée est dévouée à son patron. Les Lagardère Boys, c'est quand même des cerveaux d'acier, hein, qui connaissent tout du dossier et qui sauront aller taper là où il faut taper pour réussir. Et puis qui sont prêts à passer des nuits entières à phosphorer, enfin qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie, qui n'ont quasiment pas de vie privée, qui sont totalement dévoués au groupe Lagardère et qu'ils mettaient surtout en compétition. Les jours qui suivent sont cruciaux et rien de très positif ne ressort de l'hôpital Lariboisière. Le mercredi 12 mars, la rumeur se répand dans tout le milieu politique. Jean-Luc Lagardère serait dans un état plus que critique et les Lagardère Boys ne peuvent s'empêcher de penser à l'avenir. Et si leur patron disparaissait, qui reprendrait la suite? Le président de la République en personne, Jacques Chirac, aurait même une préférence pour la succession à la tête du groupe. Noël Forgeard, l'un des membres de la garde rapprochée. Mais il existe d'autres candidats potentiels, notamment Arnaud Lagardère, le fils unique, et Philippe Camus, l'un des dirigeants historiques du groupe. Avant même l'annonce du décès de Jean-Luc Lagardère, le bal des prétendants commence. Vendredi 14 mars, au siège du groupe, l'assistante personnelle de Jean-Luc Lagardère, Patricia Chollet, est assaillie d'appel. La secrétaire du ministre de l'Agriculture lui téléphone même pour lui demander la date des obsèques. Face à ce flot d'appels, Patricia Chollet se rend dans le bureau des relations presse. Et là, on lui dit tout. Oui, Jean-Luc Lagardère est décédé dans la nuit. Mais il faut absolument continuer de démentir cette info qui commence à circuler, y compris dans les journaux télé. À l'hôpital Lariboisière, dans un communiqué de presse, le professeur Didier Payat lui aussi dément. La communication crise des dirigeants du groupe est désastreuse. L'ensemble du monde politique et médiatique ne sait pas si Jean-Luc Lagardère est encore en vie. C'est seulement le lendemain, le 15 mars, que sa mort est confirmée dans tous les médias. France Inter. La mort de Jean-Luc Lagardère, le grand capitaine d'industrie, est donc décédé la nuit dernière à l'hôpital Lariboisière à Paris. Il avait 75 ans. Selon les médecins de l'hôpital, il a succombé à une maladie neurologique auto-immune rare. Jean-Luc Lagardère avait été hospitalisé d'urgence le week-end dernier à la suite d'une grave infection virale contractée lors d'une intervention chirurgicale à la hanche. C'était le 27 février. C'était un entrepreneur infatigable. « Tourné sur l'Europe et ouvert sur le monde », a déclaré le président Chirac, qui a fait part dès hier soir de sa très grande tristesse en apprenant cette disparition. Les hommages se succèdent pour ce grand patron qui a tant œuvré pour la France. Il est reconnu pour ses qualités manager, sa vision d'entrepreneur et son goût du risque. Cette mort si soudaine surprend tout le monde. Et pour comprendre l'émotion que provoque sa disparition, il faut revenir sur le parcours exceptionnel de ce patron. 1952. Tout juste diplômé de l'école d'ingénieurs Supélec, Jean-Luc Lagardère est embauché chez Dassault Aviation. Dans les ateliers de l'avionneur, il côtoie notamment le fils du boss, Serge Dassault. Les deux jeunes ingénieurs, qui partagent la même planche à dessin, ont de grands destins et desseins industriels devant eux. En 1962, après 10 ans de carrière chez Dassault, Jean-Luc Lagardère prend un risque en quittant cette société. Mais il sait qu'avec son diplôme de Supélec, son avenir dans cette prestigieuse entreprise est bouché. Les meilleurs postes, et pour cause, sont réservés aux ingénieurs sortis de Polytechnique. Alors quand le président de Matra, Marcel Chassagny, lui propose de le seconder à la tête de son entreprise, Jean-Luc Lagardère n'hésite pas longtemps. Il sait qu'il a également le soutien du principal actionnaire, Sylvain Floirat. Et d'emblée, avec l'arrivée de Jean-Luc Lagardère, la société spécialisée dans les missiles se diversifie. D'abord, il faut faire connaître la marque en France et dans le monde entier. Tiens, et si ça passait par le sport automobile? Dans les années 60, c'est l'une des grandes passions des Français. C'est l'époque du personnage de bande dessinée, Michel Vaillant. En 1964, Jean-Luc Lagardère, qui veut profiter de cet engouement, explique son projet à la télé. Monsieur Lagardère, moi je vous connaissais comme directeur général de la Société des Engins Matra. Qu'est-ce que vous faites dans cette voiture de course? C'est une bonnet, non? Oui, enfin, c'est une bonnet, et plus exactement maintenant, une Matra bonnet. Ah, vous avez fusionné alors? Non, enfin, disons que notre société des Engins Matra s'intéresse maintenant à l'automobile et à l'automobile de sport, de compétition. Mais je ne veux pas vous donner une inquiétude ou un vain espoir. Nous n'allons pas adapter la technique des fusées pour des voitures supersoniques, même en ligne droite. Mais non, tout de même pas. Non, Jean-Luc Lagardère ne construira pas de voitures supersoniques, mais il n'hésite pas à faire une grande annonce. Il compte bien remporter le championnat du monde de Formule 1, rien que ça. En réalité, l'écurie Matra débute modestement dans un garage un peu crasseux et sans chauffage du boulevard Murat, dans le 16e arrondissement de Paris. Jean-Luc Lagardère commence à recruter alors des pilotes et se tourne vers Jean-Pierre Beltoise, qui, malgré un bras dans le plâtre, séduit le jeune patron par sa détermination. Les deux hommes se rejoignent d'ailleurs sur cette valeur. Ils ne lâchent jamais rien. Dès février 65, les ingénieurs dessinent une voiture et les mécaniciens en démarrent la construction. De l'artisanat pour l'instant, mais Jean-Luc Lagardère veut que tout aille vite, très vite, comme d'habitude. Objectif atteint pour le début du championnat de France de Formule 3. L'écurie Matra Sport sera sur la ligne de départ. Mais personne ne mise sur elle, et sur ce pilote, ce Jean-Pierre Beltoise, victime d'un grave accident un an auparavant. On voit qu'il ne semble pas avoir retrouvé totalement l'usage de son bras gauche. Après 4 courses ratées, Jean-Luc Lagardère s'interroge et songe tout de même à tout arrêter. Mais Jean-Pierre Beltoise remporte une première victoire à Reims lors de la 5e course. Et à la fin de la saison, le pilote est champion de Formule 3. L'aventure de l'écurie Matra est bien lancée. 4 ans plus tard, en 1969, Jean-Luc Lagardère exulte. Matra devient champion du monde des constructeurs de Formule 1, oui, Formule 1, avec son pilote, Jackie Stewart, lui aussi champion du monde. Mais cela ne suffit pas à Jean-Luc Lagardère. Non, il veut s'attaquer à la plus prestigieuse des courses automobiles, les 24 heures du Mans. Et le 11 juin 1972, c'est la victoire avec les pilotes Henri Pescarolo et Graham Hill. Le journaliste Thierry Roland annonce la nouvelle. 22 ans après, donc, victoire française. L'ancienne victoire en 1950 avait été remportée par une Talbot, pilotée par Rosier, père et fils. Aujourd'hui, c'est Matra qui est à l'honneur. Son directeur, Jean-Luc Lagardère, était évidemment très très content. C'est tout de même la plus belle victoire qui soit, probablement dans le monde, et en tout cas certainement en France. Et vraiment, pour notre firme, c'est assez fantastique de le réaliser. Parmi les spectateurs de la course, le président Georges Pompidou, qui aimait tant la voiture, est fier de voir une écurie française triompher. Il invite alors les pilotes et Jean-Luc Lagardère à venir célébrer la victoire à l'Élysée 3 semaines plus tard. Voilà, l'objectif atteint pour le patron de Matra, il a fait connaître sa marque, il a fait gagner la France, il s'offre l'oreille attentive du pouvoir, car Jean-Luc Lagardère l'a bien compris. Dans son domaine, l'armement, mieux vaut avoir de bonnes relations avec l'État. En ces années 70, les contrats coulent à flot, rappelons-le, dans le monde arabe, avec les pays du Golfe qui s'équipent à coups de pétrodollars. En 1974, le patron quadragénaire s'attaque à un nouveau défi, les médias. L'un de ses mentors, Sylvain Floira, le propulse à la tête d'Europe. Jean-Luc Lagardère se retrouve à diriger la radio la plus écoutée de France, à l'époque, avec l'assentiment du Premier ministre Jacques Chirac. Oui, car l'État est actionnaire d'Europe 1 à l'époque, figurez-vous. Après le général de Gaulle et Georges Pompidou, leur successeur, Valéry Giscard d'Estaing, eh bien, apprécie tout autant Lagardère, qui se dit qu'avec ce président-là, il se frotte les mains, il va pouvoir continuer son ascension tranquille, voire soutenue. Lagardère à la côte, à l'Élysée comme dans la rue, une chaîne de télé fait son portrait en 1976. Jean-Luc Lagardère, une première. Vous faites comme si on n'était pas là. Ah, je ne sais pas faire autrement, de toute manière. Alors, ok, merci. Voilà. Alors, Guettard, donc... Signe particulier, ne fume pas, ne boit pas, travaille. Oui, ben... Dès le petit déjeuner auquel il convie toujours un proche collaborateur. À la fois le budget, deux passions, son fils et son métier de meneur d'hommes. Une vie partagée entre trois bureaux, à Vélizy et à l'Étoile pour la Matra, ainsi qu'à Europe 1, dont il est le vice-président. Bon, chérie, allez, travaille bien. Hein, sûr ? Oui, oui, sûr. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Merci. Dans la séquence qui suit, on voit Jean-Luc Lagardère au téléphone dans sa voiture, Jean-Luc Lagardère à la radio, Jean-Luc Lagardère à l'aéroport. Le patron hyperactif n'a pas une minute à lui. Et il le fait savoir. En 79, il est désigné manager de l'année par le magazine Le Nouvel Économiste. L'année suivante, il frappe un grand coup en prenant le contrôle du groupe Hachette, qui représente le quart de toute l'édition française, mais également de nouveaux et de nombreux titres de presse comme Elle et Paris Match. Roger Gicquel l'annonce dans son journal. Quand on pense à l'empire qui vient de se créer dans l'édition, la presse, la distribution, la communication, l'audiovisuel, la télématique, etc., à la faveur d'achats massifs en bourse, qui, la semaine dernière, ont créé la surprise, on ne dit plus déjà Hachette, on ne dit plus déjà Matra, on dit Jean-Luc Lagardère. Après ce coup de maître, Jean-Luc Lagardère règne sur un vaste empire industriel. Mais la présidentielle et les bouleversements qui s'ensuivent approchent. Et là, le patron mise sur une réélection de Giscard, qui lui a promis une chaîne de télé. Mais le 10 mai 1981, c'est la douche froide. François Mitterrand est élu président de la République. Sauf que Jean-Luc Lagardère a plus d'un atout dans sa manche. Il est proche de Pierre Mauroy, le baron socialiste, maire de Lille, devenu Premier ministre. Et c'est le groupe de Lagardère qui construit le métro automatique dans la ville du Nord. Ça crée des liens. Grâce à ces relations, l'industriel français échappe ainsi à la nationalisation totale de Matra et garde même le contrôle de l'entreprise. Mais les années 80 sont parsemées d'échecs pour Jean-Luc Lagardère. Après sa réussite dans le sport automobile, il s'attaque au foot avec le Matra Racing à Paris. Malgré les sommes astronomiques investies, le public n'est pas au rendez-vous. Et l'aventure devient naufrage. En 87, il pense réaliser son rêve avec la privatisation de TF1, mais c'est un autre grand patron qui décroche la concession, Francis Bouygues. 3 ans plus tard, il prend sa revanche avec la 5, la chaîne de télé lancée en 86 par Silvio Berlusconi et Jérôme Sédoux. Mais c'est un cadeau empoisonné. Aveuglé par son désir d'offrir une chaîne au groupe Hachette, Jean-Luc Lagardère se lance dans une affaire à perte. Les audiences ne décollent pas et il lui faut sans cesse réinjecter de l'argent. Après un peu plus d'un an, la chaîne cesse d'émettre et tout le groupe Hachette est en danger de faillite. En cadeau de départ, Lagardère hérite même d'un contentieux de plus d'1 milliard de francs avec Berlusconi. Devenu chef du gouvernement, le Cavaliere, à la rancune tenace, fera surveiller l'industriel français par ses services secrets. Jean-Luc Lagardère sauve finalement le groupe Hachette en le fusionnant avec Matra. Alors qu'on croyait le grand patron fini, il commence sa résurrection avec notamment un contrat d'armement faramineux signé avec Taïwan. C'est dans ce secteur de la défense que Jean-Luc Lagardère va signer en 1999 un nouvel accord de fusion d'entreprise qui le fait devenir l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Un homme puissant qui, par définition, s'est fait des ennemis. Certes, au point de vouloir sa mort. Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil. Des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée, et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte. s'écoule à mes oreilles. Ma petite entreprise, que n'est pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, ces bâtiments B. À l'oreille de ce lèvre, mes oreilles, ma petite entreprise, connaît pas la crise, épanouie et l'exhibe, les trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Le 14 octobre 1999, dans la salle de conférence de l'hôtel Hilton International de Strasbourg, une meute de photographes et de caméramen immortalise l'instant. Cinq hommes s'apprêtent à signer un accord qui va donner naissance à un géant européen de l'aéronautique et de la défense, EADS. Sur la photo, on peut voir le chancelier allemand Gerhard Schröder, le premier ministre français Lionel Jospin et son ministre de l'économie Dominique Strauss-Kahn, ainsi que le patron de Daimler Chrysler, Jürgen Schremp. Le cinquième homme, tout sourire, c'est Jean-Luc Lagardère. Cela fait 30 ans qu'Allemands et Français cherchent à créer une entreprise partenaire dans l'aéronautique et la défense. C'est donc une date historique. Et Jean-Luc Lagardère n'y est pas étranger. Il a œuvré pendant de très longs mois pour créer les conditions propices à la fusion des deux entreprises, d'où cette satisfaction qu'il exprime devant les caméras de télé. S'il n'y a que trois sociétés dans le monde qui fabriquent des avions commerciaux, s'il n'y a que trois sociétés dans le monde qui fabriquent des hélicoptères, s'il n'y a que trois sociétés dans le monde qui fabriquent des lanceurs spatiaux, des satellites et autres, nous serons de cela. EADS, c'est un nouveau géant européen qui pèse 130 milliards de francs de chiffre d'affaires et qui propulse le groupe à la troisième place mondiale du secteur, derrière les Américains Boeing et Lockheed Martin. Un peu plus d'un an plus tard, la construction de l'Airbus A380 est lancée, un avion gros porteur civil encore plus imposant que son cousin américain, le Boeing 747. Et c'est une nouvelle fierté pour Jean-Luc Lagardère, président du conseil de surveillance de EADS, actionnaire majoritaire d'Airbus. Il évoque même, je reprends ces mots, la plus grande bataille industrielle qui va avoir lieu au XXIe siècle. Au début des années 2000, Jean-Luc Lagardère est devenu l'un des capitaines d'industrie les plus influents au monde. Oui, au monde, comme l'explique le journaliste Thierry Gadeau dans l'émission Envoyé spécial. Entre 1999 et 2003, il n'y a pas un sommet européen, il n'y a pas un sommet franco-allemand sans que Jean-Luc Lagardère soit au premier rang. Sans que dirigeants allemands et dirigeants français ne lui demandent son avis. C'est l'homme le plus puissant d'Europe à ce moment-là. Alors, le 15 mars 2003, quand les médias annoncent la mort de Jean-Luc Lagardère, c'est évidemment un choc. Malgré ses 75 ans, le patron français ne déléguait pas. Non, il menait ses affaires à la fois dans l'aéronautique, l'armement et les médias. Dans l'ouvrage intitulé « L'acrobate Jean-Luc Lagardère ou les armes du pouvoir », l'industriel confie en 1995 aux journalistes Vincent Nouzi et Alexandra Schwarzbrod « La vie, c'est comme une pièce de théâtre. Il y a deux moments qu'il ne faut pas rater. L'entrée et la sortie. Je veux réussir ma sortie. que je parte de façon prévue, à l'avance ou accidentelle, tout est et sera organisé. Nous ne connaîtrons pas les difficultés qu'ont vécues certains. Le hasard des dates fait que les résultats du groupe Lagardère doivent être annoncés aux actionnaires 2 jours après l'annonce de sa mort, le 17 mars 2003. Et, comme le défunt patron le prédisait en 95, tout est organisé. C'est l'homme qui l'a préparé depuis des années à sa succession, qui prend la parole, son fils unique, Arnaud Lagardère. Et puis c'était quelqu'un qui aimait, comme moi, faire des choses qui compte et faire des choses importantes pour son pays. C'était un immense patriote. Je suis un immense patriote. Donc c'est avec détermination que je poursuivrai son chemin, encore une fois sans aucun état d'âme, mais avec le même esprit. Soyez certains que cette qualité-là, ce goût du challenge, ce goût et cette qualité du rebond est quelque chose qui est tellement ancré dans l'identité de l'entreprise Lagardère qu'elle y restera à jamais. Ce jour-là, devant les caméras, Arnaud Lagardère bluffe tout le monde. Sa prestation, quelques jours seulement après le décès de son père, montre qu'il est prêt à reprendre les rênes du groupe. N'en déplaise à certains qu'il faudrait sa place, évidemment. 3 jours plus tard, les obsèques de Jean-Luc Lagardère se déroulent à l'église Saint-François-Xavier dans le 7e arrondissement de Paris. Le 10 février 95, lors d'un dîner d'anniversaire surprise organisé par sa femme, Jean-Luc Lagardère, très ému, avait prononcé un discours qu'il avait conclu ainsi. Le jour de ma mort, je vais aller en terre accompagné de ma mère, de ma femme et de mon fils. Personne d'autre. Je veux partir comme je suis arrivé. Ce soir-là, étaient réunis autour de lui Michel Platini, Jean-Pierre Elkabbach, Gianni Agnelli, le mythique patron d'Afiat et du grand club de foot de la Juventus, la Juve pour les intimes, Jean d'Ormesson, Daniel Filippacchi et Jacques Chaban-Delmas, entre autres. Ce 20 mars 2003, il y a encore plus de personnalités pour ses obsèques. Côté politique, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin est venu, accompagné de plusieurs de ses ministres. On retrouve également Bernadette Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Édouard Balladur et Claude Pompidou. Il serait trop long ici de donner la liste de toutes les personnalités du sport, de la culture et des affaires, mais en voici un échantillon. Bernard-Henri Lévy, Julien Clerc, Claude Séguéla, Karl Lagerfeld, David Douillet, Henri Lecomte. Mais selon le journaliste Thierry Gadeau, toute l'assistance n'est pas venue seulement rendre hommage au grand patron français. Il s'en explique dans Envoyé spécial, c'est déjà le bal de vautour. C'est le bal des focus, évidemment. Tous les prédateurs commencent à tourner autour du groupe en disant « on va se partager les médias, il y a des bonnes affaires à faire ». Donc à la fois, on vient rendre hommage au grand homme, mais surtout, on vient tester l'héritier. Donc oui. Le père, la dépouille n'est pas enterrée, que les rapaces sont autour du fils déjà. Malgré sa bonne prestation devant les actionnaires et un cours en bourse qui a augmenté, Arnaud Lagardère doit affronter la rapacité de nombreuses personnalités des affaires. Le jour des obsèques, une enquête est ouverte à la demande de Betty Lagardère pour connaître les circonstances de la mort de son mari. 6 jours après le décès, une seule certitude, il n'est pas mort d'une infection nosocomiale contractée à la clinique du sport. Non, c'est une maladie très rare qui l'a tué. L'encéphalomyélite aiguë disséminée. Mais les médecins sont bien incapables de dire comment Jean-Luc Lagardère l'a contractée. Jean-Louis Gergorin, bien connu, l'un des Lagardère Boys, est effondré. Dès l'annonce de la mort de son patron, il se rend chez l'avocat Paul Lombard, lui aussi proche de l'industriel. Et il partage ses doutes. Il faudra bien qu'on comprenne de quoi il est mort, dit-il. Les deux hommes ont du mal à croire à ce malheureux hasard de la maladie extrêmement rare qui touche l'un des hommes les plus influents du monde. Gergorin développe alors toute une théorie après s'être abondamment renseigné sur le syndrome qui a emporté Jean-Luc Lagardère. Il s'en explique dans le documentaire Manipulation, une histoire française. Je regarde ce que c'est que cette maladie. Et là, il se produit évidemment un élément majeur qui est dans cette espèce de tragédie classique où il y a des événements qui brusquement vont me faire descendre progressivement les marches vers le purgatoire. Le fait que je découvre que cette maladie est citée de façon très précise dans des récits, dans deux livres consacrés au programme militaire soviétique biologique, d'armes biologiques. Et les soviétiques, à la fin des années 80, début des années 90, ont développé des moyens de militariser cette arme. Et il semble même que le KGB ait utilisé ça à des fins d'assassinat ponctuel. Jean-Louis Gergorin, qui a vu de nombreux coups tordus et de morts suspectes dans le cadre de contrats d'armement, se persuade qu'on a assassiné son mentor. Il imagine la mafia ukrainienne à la solde des Russes comme un billard à trois bandes. Il a aussi en tête la guerre juridique menée pendant des années entre Jean-Luc Lagardère et Alain Gomez, l'ancien patron de la société Thomson CSF, son grand concurrent dans les contrats d'armement, notamment. Alain Gomez a mal digéré les négociations secrètes effectuées par Matra au début des années 90 avec Taïwan pour vendre plus aux dépens de son groupe. Ça s'appelle la concurrence, monsieur. Mais l'affaire aurait tourné à la vengeance avec une opération de déstabilisation baptisée « Couper les ailes de l'oiseau ». Pour le journaliste Thierry Gadeau, les thèses de Jean-Louis Gergorin ne sont pas complètement farfelues étant donné qu'il s'agit d'un milieu extrêmement sensible, l'armement. Jean-Louis Gergorin, c'est son rôle, c'est sa mission dans le groupe, s'inquiète de tout ce qui se passe. C'est pas de la paranoïa, c'est la simple logique, c'est pas un malade mental, Gergorin, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qui s'est produit dans les années 90, qui est au courant de toutes les tentatives de déstabilisation, et donc c'est normal que Jean-Louis Gergorin se décide en disant que c'est le scénario noir qui s'annonce. Ce scénario noir est assez vite écarté par la justice qui conclut le 6 novembre 2003 son enquête, d'où il ressort que la mort de Jean-Luc Lagardère est naturelle. Voilà, les investigations n'iront pas plus loin. Arnaud Lagardère a retiré sa plainte parce que, de toute façon, et il le confirme dans Envoyé spécial, il n'a jamais vraiment cru au scénario de l'assassinat. Je n'y ai jamais cru. Mais c'est vrai qu'il y a eu tout un espèce d'environnement, avec des gens un peu fous d'ailleurs, au passage, hein, qui ont émis ce genre d'hypothèse. C'est très excitant, ça, en plus dans les médias, ça fait des beaux romans. Alors la raison pour laquelle moi j'avais accepté de rentrer dans cette procédure-là, c'était juste pour se dire de ne pas fermer la porte. Mais j'avais une certitude que ça s'était malheureusement passé tout bêtement. 10 ans après la mort de Jean-Luc Lagardère, son fils Arnaud délaisse toutes les activités qui avaient fait la fortune du père, autrement dit l'armement et l'aéronautique. En 2013, il cède ses parts dans EADS pour 2,28 milliards d'euros et se concentre sur l'édition, le multimédia et les loisirs. Quant à Jean-Louis Gergorin, vous avez peut-être noté la deuxième phrase qu'il a prononcée dans l'extrait de sa déclaration que nous avons diffusée il y a quelques minutes. Il a évoqué, je reprends ces mots là encore, les événements qui vont le faire glisser progressivement vers le purgatoire. Peut-être, probablement, parlait-il d'une affaire qui va secouer la République et dont il sera l'un des principaux protagonistes, l'affaire Clearstream. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la vie et l'œuvre et la mort de Jean-Luc Lagardère, dont nous allons parler avec notre invité Thierry Gadeau. Bonjour. Bonjour Fabrice. Thierry Gadeau, nous vous avons entendu, entendu deux extraits de vos explications dans le récit. On va aller maintenant plus loin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Jean-Luc Lagardère, corsaire de la République de Thomson à Airbus, livre coécrit avec Bruno Lanceur et paru en mai 2002 aux éditions du Cherche Midi. Vous avez publié également Arnaud Lagardère, l'insolent, donc maintenant le fils, paru en novembre 2006 aux éditions Marraine Schell. Alors, 13 ans après cette mort mystérieuse, est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui sur les causes et les circonstances du décès de Jean-Luc Lagardère? Alors, sur les causes médicales, non. Ça restera très certainement un mystère médical, puisque cette maladie rare qui l'a frappé et qui a détruit le cerveau, normalement, est provoquée par une infection virale ou bactérienne. Et alors, on n'a pas retrouvé les poches de sang qui ont été détruites par la clinique du sport, mais tout le reste des tests qui ont été faits sur Jean-Luc Lagardère durant son hospitalisation, sa courte semaine d'hospitalisation, il n'y a aucune trace de virus ou de bactéries. Donc on ne sait pas pourquoi son organisme s'est emballé, a provoqué une réponse immunitaire, un affolement immunitaire qui a provoqué cette maladie, et on le saura jamais très certainement. Donc on restera dans le doute. Oui, et donc le doute ouvre la porte aussi des fantasmes, hein. On reviendra un petit peu bien sur sûr. Ces soi-disant empoisonnements, enfin, je ne sais pas quoi. Mais on va y revenir parce que ça met en scène d'autres personnages, hein, ce genre d'hypothèse. 18 ans, donc c'est bien 18 ans après cette mort mystérieuse. Que reste-t-il aujourd'hui de son empire? On l'a dit, il est aux mains d'Arnaud Lagardère maintenant. C'est l'édition, ce sont les loisirs. Quel virage quand même, hein, par rapport à l'activité de son père. Qu'est-ce qui a fait que Jean-Luc Lagardère s'est dit « je vais dans un autre secteur » Arnaud Lagardère, vous voulez dire pour Arnaud, il est évident, pour Arnaud Lagardère, et ça, toute la presse qui suivait le groupe au milieu des années 90, quand il est revenu en France après ces deux années aux États-Unis, l'a su immédiatement. Il l'a toujours dit « je ne m'intéresse pas à l'armement, à la défense, à l'aéronautique ». Et nous sortirons, donc il parlait du groupe, nous sortirons de ces secteurs d'activité. Il est clair que Arnaud Lagardère est beaucoup plus intéressé par les médias, par les médias en général, par un temps il a espéré pouvoir développer une activité dans le sport, dans l'acquisition des droits audiovisuels notamment, et puis dans la distribution, puisqu'ils ont une activité incroyable de boutiques, les anciennes boutiques relais qui sont maintenant l'un des deux ou trois réseaux mondiaux de boutiques en aéroport et dans les gares. Voilà, mais c'était évident pour lui, pour un certain nombre de raisons, qu'il sortirait de ADS. Il l'avait dit dès 97-98 dans différentes interviews. Son père, à l'époque, essayait de le calmer un petit peu en disant « bon, prends ton temps », mais c'était son objectif affiché dès le début. Donc ce n'est pas surprenant. C'est une question de goût, de stratégie industrielle, ou c'est aussi parce que Arnaud Lagardère considère que l'armement et l'aéronautique sont des secteurs peut-être trop sensibles? J'irai sur la troisième explication. Son père ne l'a jamais, lui a toujours tout raconté de ses affaires dès qu'il était petit. Donc il a vu ce monde assez particulier de l'industrie de défense, une industrie évidemment de souveraineté où les intérêts de l'État français et des intérêts des États étrangers rentrent en ligne de compte. Il a vu grosse pression quand même. Donc grosse pression. Il a vu son monde où il y avait beaucoup d'argent qui s'échangeait sous la table. Avec des conséquences assez importantes, puisque on sait bien que la guerre qui a existé entre le groupe Lagardère et Thomson, ou même le groupe Dassault dans les années 90, est en partie liée aux questions des rétrocommissions, c'est-à-dire de l'argent illégal occulte qui revenait en France pour financer, on suppose, des partis politiques ou des hommes politiques. Donc il a vu tout ça, et c'est pas un monde qui l'intéresse, et il a bien compris les dangers de ce monde-là. Donc voilà, je pense que c'est ça qui fonde sa décision de sortir à terme de ce secteur, et ce qu'il a fait. Revenons donc à Jean-Luc Lagardère, qui est quand même le sujet d'aujourd'hui, plus qu'Arnaud, finalement. Concernant Jean-Luc Lagardère, quelle place il tient dans l'histoire du patronat français? Alors c'est une place assez originale, puisqu'il n'a jamais fait partie en tant que tel des réseaux classiques du patronat français. C'est quelqu'un qui est arrivé, donc il avait un diplôme d'ingénieur, il a été propulsé grâce à des relations politiques extrêmement puissantes à la tête de Matra, par un homme qui s'appelait Jacques Piet, que personne ne connaît, et qui était l'ombre de Guy Mollet, si, voilà, mais qui a compté durant toute la 4e et 5e République. On rappelle Guy Mollet, leader de la SFIO, l'ancêtre du Parti Socialiste, hein, qui a été chef du gouvernement sous la 4e République pendant plusieurs années. Voilà, et durant toute sa carrière d'industriel, jusqu'à son décès, Jean-Luc Lagardère n'est jamais rentré dans un réseau, mais a constitué ses propres réseaux. Donc c'est pour ça qu'il a une place à part particulière dans le panorama industriel du patronat français. C'est que il a utilisé le corps des mines, et le corps des mines n'a pas véritablement pu l'utiliser. Par exemple, le corps des mines, donc ces ingénieurs X-Mines, Polytechnique et Mines, qui ont constitué pendant des décennies la politique industrielle française. Il y avait une coexistence, mais ils ont jamais pu le contrôler. Donc, et c'est ça aussi avec les grands noms du patronat français, ceux qu'on a présentés successivement comme les parrains du système. Il ne leur a jamais rendu des comptes, et il agissait toujours de façon très indépendante. Lagardère semble aussi illustrer, symboliser peut-être le giscardisme triomphant. Ce septennat moderne, entièrement beaucoup tourné vers l'économie, le libéralisme, une relation particulière entre Giscard et Lagardère, qui est forte, je crois. Il y a comme une symbolise les années Giscard. Il symbolise, oui, ces années-là, parce que effectivement, le pouvoir giscardien lui autorise deux opérations majeures dans les médias, qui est Europe 1 et Hachette. Et en plus, c'est la décennie glorieuse pour l'industrie militaire française, qui vend dans les pays du Golfe, qui vend à la Libye, qui vend à l'Irak de Saddam Hussein. Et donc, et l'industriel qui symbolise effectivement cette réussite, entre guillemets, du pouvoir giscardien, c'est Jean-Luc Lagardère. Donc, mais faut pas croire qu'il était moins en cours dans les années 60 ou au début des... Et sous Mitterrand, il est resté grâce à Mauroy, notamment au début. Grâce à Mauroy et grâce à Jacques Piette, qui a obtenu du gouvernement que puisque Dassault avait une nationalisation partielle et pouvait rester aux commandes de son groupe, du constructeur d'avions de combat, fallait faire la même chose pour Lagardère et pour Matra, le laisser à la tête de son entreprise. Autre point important, ceux qu'on a appelés les Lagardère's Boys, ou Lagardère Boys, ils sont importants, c'est vraiment une garde prétorienne, c'est ça, hein, quasiment. Oui, ça s'est vraiment constitué dans les années 80, ouais. Où il y a eu un groupe et qui restait jusqu'à la fin, donc d'abord avec Philippe Camus et puis ensuite Forchard est arrivé dans le groupe. Et c'est des gens qui étaient, et il en existe encore aujourd'hui dans le groupe, des gens qui sont beaucoup moins connus mais qui sont toujours très présents. Et c'est un groupe de lieutenants qui effectivement était extrêmement lié à la personnalité de Jean-Luc Lagardère. Et qui ont mis tout en œuvre pour réussir les objectifs que leur fixait le patron. Dont un certain Jean-Louis Gergor, dont on va reparler tout à l'heure, dans 3 minutes, après avoir écouté Gregory Parker, « Everything you touch is gold ».« Everything you touch is gold ». That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and surprising. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. 'Cause everybody that I know can see. And they're asking me, what is going on in your life? Oh, everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Our story is not yet told. But oh girl, I think that you stop mining. I don't have to dig to see. My treasure's standing right in front of me. Everyone that I know is asking me, what is going on? On parlait de Jean-Louis Gergorin, parce que c'est un personnage assez particulier. C'est un homme extrêmement fin, extrêmement intelligent, mais qui s'est embourbé dans l'affaire Clearstream, entre autres. Et qui, peut-être, avait-il quelques fragilités quand il était de ceux qui pensaient que son patron s'était fait assassiner. Il a pensé à cette guerre industrielle contre une autre société, évidemment, pour la vente de missiles à Taïwan. Dans quel état d'esprit il était? Il n'a vraiment pas supporté la disparition de son patron. Il s'est mis à penser des choses qui sont quand même du ressort de la théorie du complot. Alors, tout à fait la théorie du complot, parce que pour expliquer, donc Jean-Louis Gergorin, ancien diplomate, esprit très brillant, et il rentre au service donc au milieu des années 80 au service de Jean-Luc Lagardère et c'est le coup de foudre. C'est vraiment un véritable coup de foudre. Et ça va devenir... Il va tout faire pour protéger Jean-Luc Lagardère, et notamment durant les années 90. Donc il est au courant des tentatives de déstabilisation menées par le président de Thomson CSF, Alain Gomez à l'époque. Et il est au courant des tentatives d'OPA rampante en 96-97. C'est le pouvoir socialiste qui va... le gouvernement de Lionel Jospin qui va l'avertir de ses manœuvres. Donc il a cet esprit inquiet en permanence. Et effectivement, il se renseigne en permanence sur qui pourrait provoquer ou tenter un mauvais coup contre le groupe et contre Jean-Luc Lagardère. Donc, clairement, le décès de Jean-Luc Lagardère l'a détruit. Et effectivement, il s'est mis à chercher fiévreusement, puisqu'il n'y avait pas d'explication médicale, qui pouvait être à l'origine de ce coup-là. Alors, il faut rappeler aussi que la succession à la tête du groupe Lagardère a été très disputée. Jacques Chirac, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy s'en sont mêlés. On est au début de la guerre entre les sarkozystes et les chiraciens. Villepin, Sarkozy, ça donne Clairstream, et on revient sur Gergorin. Et à ce propos, je vais vous faire écouter un extrait de déclaration du grand journaliste Pierre Péan, un grand enquêteur, qui a une opinion sur ce point précis. Sans la mort de Jean-Luc Lagardère, il n'y a évidemment pas d'affaire Clairstream. Parce qu'en fait, la tête de Gergorin explose. Il perd tout. C'est son père, l'homme par qui il a fait une carrière extraordinaire. Et là, d'un seul coup, c'est son monde qui explose. C'est-à-dire que toutes ces barrières rationnelles sont foutues. Vous êtes forcément d'accord, parce que c'était aussi votre analyse. Je suis d'accord. Je pense que Imad Laoud, donc celui que la justice a désigné comme étant le responsable, le seul responsable de la manipulation des listings de Clairstream, aurait tenté certainement l'opération de la manipulation. Mais si Jean-Luc Lagardère avait été vivant, il est évident que Jean-Louis Gergorin n'aurait pas réagi de la même façon et que cette information n'aurait jamais été publiée, sortie, n'aurait jamais été adressée à la justice sans avoir été véritablement vérifié avant, ce qu'il n'a pas fait. On n'a pas beaucoup parlé de la personnalité. L'homme, Jean-Luc Lagardère, bon, on voit les traits de caractère, il est dynamique, il est sportif, il joue au tennis. Et encore, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Il avait un charisme incroyable. Alors quand on est journaliste et qu'on, c'est pas notre sujet, mais... Tous les témoignages que j'ai eus, moi, de son entourage, notamment quand j'ai écrit la biographie d'Arnaud Lagardère, j'en ai discuté avec la première épouse de Jean-Luc Lagardère, c'est que c'était James Dean, donc personnalité solaire qui attirait tout le monde, et tout le monde l'aimait, voilà. C'était, en tout cas dans ses jeunes années, c'était quelqu'un comme ça. Et c'est vrai que, pour l'avoir côtoyé quelques fois, c'est le genre de personnalité, on sent qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a une vraie personne, quoi. Il y a quelqu'un. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui attirait les regards et qui suscitait une empathie immédiate. Quel est l'état de santé du groupe Lagardère aujourd'hui, au moment où nous parlons? Moi, ça fait quelques années que je n'enquête plus sur le sujet, mais on a vu que le groupe était sujet à une bataille boursière, d'ambition extrêmement importante. Il est clair aussi qu'avec la crise du Covid, ces activités, forcément, comme beaucoup d'activités, se portent pas très bien. Donc voilà, donc toute la question aujourd'hui d'Arnaud, donc 13 ans, 17 ans après le décès de 18, son... Ouais, 18 ans, après avoir pu gagner la succession, c'est de nouveau... se battre pour conserver son groupe. Merci infiniment, Thierry Gadou. Merci, au revoir, merci. À bientôt peut-être. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la mort de Jean-Luc Lagardère, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Elisabeth Collet. Téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct.